Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des ruines dans la Fabrique de l'Histoire. Après avoir réfléchi lundi avec l'archéologue et historien d'art Alain Schnapp à la façon dont on pourrait écrire une histoire universelle des ruines, puis hier nous être promenés dans Beyrouth, ville en ruine il y a encore une vingtaine d'années, mais ville qui oublie rapidement cette ruine et la guerre qui les a produites, eh bien avant demain de raconter l'histoire des ruines de la Commune de Paris, nous allons ce matin nous poser une question: comment préserver et comment conserver ces ruines, qu'elles soient antiques ou modernes? Nous parlerons donc de Pompéi et d'Herculanum, bien sûr, de Stabie peut-être, et pourquoi pas des meubles et pas simplement des immeubles ruinés, avec nos trois invités de ce matin, un restaurateur et deux universitaires spécialistes des ruines romaines en particulier. Alix Barbet, elle est directrice de recherche honoraire au CNRS, elle a été experte auprès du Conseil de l'Europe et de l'ICOMOS, elle est spécialiste des peintures murales en compagnie et elle sort bientôt chez Picard, peinture murale romaine de Tunisie. Elle est également créatrice d'une association française de peinture murale. Jean-Pierre Adam sera également avec nous, il est architecte, archéologue au CNRS, expert également à l'ICOMOS, à l'UNESCO, pour le patrimoine mondial, spécialiste de Pompéi, et il vient de publier chez Honoré Clair, une maison arlésienne, La Maison Romaine, qui traite justement de ces maisons de Pompéi. Et David Cueco est également avec nous, il est conservateur et restaurateur de peinture et de biens culturels, il est ancien président de la Fédération Française des Conservateurs Restaurateurs, il est à Rome au téléphone avec nous, car il tient justement à Rome un congrès d'expertise autour de ces questions de préservation des biens culturels. Bonjour Alix Barbet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tout compte fait, cette question des ruines, et en particulier des ruines de Pompéi, qui seront un peu au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est une question qui est aussi vieille que la découverte de ces ruines. Que faisait-on des ruines de Rome à l'époque de la Renaissance, et que faire des ruines de Pompéi dès le moment où, au XVIIIe siècle, on les découvre? Tout à fait, puisqu'on a découvert déjà la notion de ruine à la Renaissance, avec la découverte de la Domus Aurea, la maison dorée de Néron à Rome. Mais c'est évident que Herculanum est découverte en 1738, Pompéi 1748. Donc, il est évident qu'il y a une évolution de la notion de ruine, et très important de savoir comment on va transmettre ce patrimoine, mais c'est une notion qui va arriver très progressivement, puisque la charte de Venise de préservation, de conservation, de restauration ne date que de 1964. Oui, d'ailleurs, mai 64, ça fait 50 ans. Ouais. Jean-Pierre Adam, ces ruines de Pompéi et d'Herculanum, quand on les découvre au XVIIIe siècle, est-ce que la première des questions que se posent ces découvreurs, qui ne s'appellent pas encore archéologues, je pense, c'est de préserver ces ruines, ou au contraire de puiser dans les richesses qu'ils trouvent pour les ramener à l'intérieur, dans des musées ou dans des collections privées? C'est bien sûr la seconde hypothèse. Il y a immédiatement une ivresse pompéienne qui s'empare non seulement des autorités locales, la monarchie napolitaine, la famille royale. Toutes les collections ont été constituées, vont dans les collections de la grande villa de Portici, puis ensuite à Naples. Et toute l'Europe est très vite informée parce que ces souverains napolitains font des cadeaux. C'était des cadeaux diplomatiques. On offrait des antiquités des villes du Vésuve, d'abord d'Herculanum, puis de Pompéi, aux familles royales d'Europe. Donc très vite, par raison de contamination des gens érudits qui fréquentaient les familles royales, on découvre Pompéi et on veut voir Pompéi de très près. Donc il y a d'une part une espèce de chasse au trésor. Et de tourisme de ruines, alors peut-être déjà. Et le tourisme de ruines naît incontestablement à Pompéi avant de naître en Égypte à la suite de l'opération de Bonaparte. Donc c'est incontestablement un double aspect. Récupérer des trésors sans aucun souci de préservation du lieu, puisque souvent on rebouchait les maisons, on ne savait pas quoi faire de ces tonnes monstrueuses de lapilli qu'on évacuait, on ne savait pas où les mettre, donc on remettait tout cela en place et on continuait les excavations. Et puis en même temps, une réelle curiosité scientifique, et François Mazois, le premier, un architecte français, va rédiger, au début de l'époque impériale, la première publication scientifique sur l'architecture de Pompéi. Donc on va très vite être en contact avec une réalité très conforme à ce qu'était l'histoire romaine, la vie dans une cité romaine grâce à ces premiers érudits curieux de Pompéi. Alix Barbet, alors évidemment, ça ce sont les premiers temps, les temps du XVIIIe siècle. J'imagine qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le XIXe siècle, la scientificité dont parle Jean-Pierre Adam devient de plus en plus précise, de plus en plus pointue, eh bien on va peut-être se poser justement la question de ces préservations de ruines. Si au départ on rebouche, ensuite on va se dire qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Cela vient assez tard. On peut dire quand même que c'est l'archéologie est née à Pompéi, de toute façon. Mais ce qu'il faut penser, c'est que localement, les gens ont envie de fouiller pour trouver des trésors. Oui. Ça va être le cas de Bosco Reale, où on a trouvé ce fameux trésor d'argenterie tout à fait extraordinaire, dont la plupart des pièces se trouvent maintenant au Louvre, et qui sont d'ailleurs présentées à l'exposition Auguste au Grand Palais. On va découvrir une autre villa avec des peintures murales fantastiques qui vont être vendues par son propriétaire. Et c'est à la suite de ces fuites vers l'étranger qu'il y aura une législation italienne pour empêcher le départ de toutes ces, de tous ces trésors. Et c'est à quelle époque, ça, à peu près ? 1896. Oui, ça veut donc dire qu'à ce moment-là, on a déjà des techniques pour pouvoir déposer les fresques, si on veut le faire, les emmener ailleurs. C'est-à-dire, toutes choses qui paraissent plutôt très récentes et très modernes sont déjà à l'œuvre dans Italiens, ce XIXe siècle. Ce sont les Italiens qui ont inventé les méthodes de restauration et qui les ont propagées dans l'Europe entière. Jean-Pierre Adam, sur ce point ? Eh bien, d'abord, il y a des mots importants. En préambule, il y a les trois mots. Restitution, restauration, reconstitution. Et à propos de Pompéi, il faut en parler. La restitution, c'est, on devrait les utiliser à bon escient. Or, on les mélange. Mmh. C'est le travail graphique, scientifique, mais graphique, qui consiste à redonner son aspect initial à l'objet étudié. La restauration, c'est exactement ce que la charte de Venise définit. On reçoit un héritage, on le transmet. Mais on le transmet tel qu'on l'a reçu. Donc, schématiquement, on le gèle. Donc, théoriquement, on ne doit ni retrancher, ni rajouter d'éléments qui ont disparu. Et la reconstitution, c'est au contraire, l'œuvre de Viollet-le-Duc en témoigne, redonner à l'objet étudié son aspect initial, quel que soit l'état dans lequel on le découvre. Et Viollet-le-Duc va très loin, puisqu'il dit qu'on peut même reconstituer un monument dans un état qui peut-être n'a jamais existé. Autrement dit, un édifice qui n'est pas terminé. Son objectif, c'était la cathédrale idéale, bien entendu. Je vais terminer les cathédrales que les architectes n'ont pas achevées pour des raisons financières ou politiques. Je vais mettre des flèches sur toutes les tours de cathédrales. Donc, il va très, très loin. Et là, il s'oppose au fameux historien de l'art anglais John Ruskin, qui, lui, tempête contre lui avec une violence extraordinaire qui condamne même l'exercice de restauration. Et on sait qu'en ce moment, à Athènes, et depuis longtemps, il y a ce débat entre ceux qui veulent laisser mourir le Parthénon, oui. C'est notre organisme, il va mourir avec nous, et ceux qui veulent reconstituer le Parthénon. Oui, parce que c'est une gradation avec des fortes nuances de gris, ce que vous nous racontez, Jean-Pierre Adam, quand on sait la discussion qu'il a pu y avoir pour reconstituer la Tholos à Delphes, par exemple. Est-ce qu'on la remonte et comment la remonte-t-on ? Est-ce qu'on montre les endroits qu'on a refait alors qu'on conserve certains morceaux du marbre d'origine ? Tout cela, ce sont des questions qu'on se pose au fur à mesure que les archéologues commencent à travailler et que les restaurateurs travaillent aux côtés des archéologues. Ce sont d'ailleurs quelquefois les mêmes personnes qui font les deux à ce moment-là. La déontologie s'est établie au cours du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on a privilégié la reconstitution totale, style Viollet-le-Duc. Et puis, à cause de la charte de Venise, on en est venu à laisser les monuments et les sites dans leur état initial en n'intervenant que de façon très partielle, que pour maintenir le monument en état tout de même. Mais seulement, les techniques, effectivement, n'ont pas toujours été les bonnes. Et on peut parler, par exemple, du béton armé, qui est une véritable catastrophe, puisque le fer rouille et fait dilater le béton. C'est le problème de Le Corbusier, la cité idéale de... ce que Maintenant, les monuments historiques sont amenés à gérer, notamment à Marseille. Et donc, c'est le même problème qu'il y a eu à Pompéi. Alors, vous héritez de tous ces problèmes, pourrait-on dire, mais également des solutions trouvées par vos prédécesseurs. David Cueco, je vous représente. Vous êtes conservateur et restaurateur de peintures et de biens culturels. Vous avez travaillé un peu partout. Récemment encore, vous étiez sur des chantiers du côté de l'Afghanistan avec la restauration et la dépose de certaines fresques. Vous étiez dans la lignée, pourrait-on dire, de ceux qui avaient commencé dès le 18e ou le 19e siècle à déposer des fresques à Pompéi. Vous héritez de tout cela et évidemment, c'est ce que vous devez mettre en œuvre en tant que professionnel et restaurateur de peinture et de biens culturels. Oui, alors, bonjour. Effectivement, il faut, enfin, dans le titre que vous m'avez gentiment donné, conservateur, restaurateur, l'association des deux termes est très signifiante. Dans les propos qui viennent d'être tenus, les rappels qui ont été faits sur restauration, le terme conservation n'a pas été utilisé. Il est dans la charte de Venise. Et effectivement, il est l'opposition, historiquement très important, entre un monde anglo-saxon qui prône une conservation des vestiges en place et le fait de ne pas y toucher, c'est effectivement les modèles de Ruskin, et à l'opposé, dans un monde plus méditerranéen, Viollet-le-Duc, qui va jusqu'à la reconstitution d'objets n'ayant, de biens n'ayant jamais existé. Donc, entre les deux, il y a plus tard quelqu'un qui s'appelle Camillo Boito, qui est moins connu et qui, justement, prône la conservation ou la préservation des différents états historique d'un objet. Et c'est probablement là que naît la notion moderne qui permet de faire un juste milieu entre la conservation d'un bien qui est quelque chose que l'on préserve ou que l'on maintient dans un état donné et donc on essaye de stopper ou de ralentir les altérations, de prévenir leur survenue et leur progression, et la restauration qui est le fait de redonner à un objet altéré un état de lisibilité, de visibilité, de présentation, avec effectivement, forcément, derrière, une interprétation et une lecture que l'on donne à voir au public, quel qu'il soit, scientifique ou public de masse. Alors, on sait évidemment cette restauration ou ces travaux peuvent se porter sur des immeubles. On parlera dans un instant de Pompéi et de ce qui arrive à ce très grand site culturel mondial. Mais ça peut porter également, et vous vouliez insister là-dessus, David Cueco, sur des biens meubles, puisque la question de la ruine, cette fameuse « peut-on préserver ces objets de la ruine ?» Eh bien, ça peut s'appliquer à des tableaux, ça peut s'appliquer à des sculptures de bois, ça peut s'appliquer à tout un tas d'objets qui ne sont pas des biens immeubles. Et donc, là aussi, la question de la restauration, de la conservation, de la préservation se pose. Absolument. Mais bon, d'abord, à titre de cliché ou de clin d'œil, on peut dire qu'un objet qui est trop restauré, dont on considère qu'il est trop restauré, c'est-à-dire qu'il est en trop dénaturé, puisqu'on peut considérer que la ruine est un état avancé ou dénaturé du bien, on dit d'un objet qu'il est trop restauré, qu'il est ruiné. Donc on peut garder cette image en tête. On peut se poser des questions, comme par exemple, est-ce qu'il faudrait restaurer le vase de Soissons, dont on sait qu'il a été cassé et dont l'intérêt historique est justement qu'il a été cassé. Si on devait le retrouver et le restaurer, faudrait-il le reconstituer, réassembler les fragments? Donc ça, c'est un clin d'œil à Alix Barbet qui a longtemps travaillé à Soissons. Merci. mais de toute façon, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il peut... Je ne l'ai pas retrouvé. Hein. Par chance, on ne l'a pas retrouvé. Oui, mais pour dire les choses, effectivement, un fragment de peinture murale que l'on met sur un mur est une abstraction. Ce n'est qu'un fragment d'une architecture que l'on replace dans un rectangle en lui donnant un sens, une visibilité qui n'est pas celle qu'il a jamais eue. Il était dans une architecture, dans un espace. Donc déjà, il y a là une fiction. Et les objets qui sont des objets fortement dégradés, dans lesquels il y a énormément de parties manquantes, il y a toujours une lecture qui fait que l'on va intervenir pour masquer ces accidents, bien sûr. Dont on nie finalement l'histoire, dont on souhaite les faire disparaître au profit d'une image, d'une lecture de l'image ou de l'objet. La question de la structure de l'objet est parfois quand même déterminante. Il faut que l'objet soit préservé, conservé pour pouvoir faire ce type de... Donc on est dans une vision cosmétique du bien, dans lequel on reconstitue les parties manquantes, ou au contraire, on choisit de les laisser visibles. Et cela, alors, cela, on est laissé quand on est restaurateur face à sa seule conscience, ou est-ce qu'on a au-dessus de soi des regards qui sont portés, qui sont contradictoires parfois avec le travail qu'on a mené, en l'occurrence David Cueco? Bah, une conscience isolée est une conscience sûrement intéressante, mais elle se fatigue et elle n'est pas... Non, le travail patrimonial est toujours un travail d'équipe, de responsabilité individuelle face à un objet, certes, mais de responsabilité collective sur les choix qui sont faits, l'interprétation qui est donnée à voir et les interventions directes sur l'objet qui peuvent, là encore, le modifier, le transformer et le dénaturer. Donc, Donnez-nous un exemple, par exemple, de dilemme face auquel vous vous êtes trouvé en tant que restaurateur, peut-être de dilemme et de tension avec d'autres instances qui étaient chargées de préserver le patrimoine et qui n'avaient pas les mêmes interprétations que vous de ce qui devait être fait. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où on se retrouve un peu coincé en ne sachant pas très bien quoi faire? Non, c'est un peu cruel parce que je n'ai pas ce type de... Je ne sais pas si c'est ma capacité à parler et à négocier qui fait que je ne me suis jamais trouvé dans un cas de ce type. Non, peut-être à Saint-Savin-sur-Gartan, puis il y a eu la remise sur panneau d'un fragment de la voûte, d'un décor de la voûte qui était... Il faut rappeler, Saint-Savin-sur-Gartan, un magnifique, c'est chez moi, donc je peux le dire, dans le Poitou, donc magnifique ouvrage donc très élevé de l'époque médiévale, sur lequel il y a effectivement des fresques somptueuses, très haut, et donc il y a certaines parties de ces fresques qui ont été déposées, c'est cela ? Voilà, qui ont été déposés comme mesure conservatoire. La voûte était en train de s'effondrer, donc c'est un travail qui est fait dans les années, je dirais la fin des années 60, et d'une manière tout à fait habile, une partie d'un des fragments de la voûte a été déposée pour des raisons de sauvetage et d'intervention, non pas sauvage, mais sauvetage, d'intervention sur la voûte, et une partie du décor a été défait. Il a été recollé sur des toiles et la question était de le reposer, soit de le remettre en place, que les éléments techniques de vieillissement dans un lieu mal maîtrisé au niveau de l'environnement ne permettaient pas, et donc de le remonter sur panneau dans un réfectoire qui est dans le cloître associé. Mmh. Et en fait, ça a été remonté sur des panneaux plats, pour un choix qui malheureusement relevait d'une commission et d'une décision collective d'une commission scientifique, alors qu'on aurait très bien pu reconstituer la forme de la voûte, oui, y compris dans ce réfectoire, et donc redonner une dimension, une présence spatiale comparable à celle de la voûte d'origine. C'est pas un cas violent et, oui, compliqué. Mais de toute façon, je dirais que, je sais pas, peut-être 40% du décor était manquant. Donc, ouais, il a fallu effectivement trouver un ton de fond, quelque chose qui est une fiction. On représente la lacune, l'absence, par un ton générique de fond. Bien et sûr. On produit ce que les professionnels appellent de manière tout à fait indue une restauration, en tout cas abusive peut-être, ou mal adaptée, une restauration dite archéologique, mmh, c'est-à-dire quelque chose où le dommage est visible, identifiable par rapport à l'original. Alors, on renvoie à la question de l'authenticité. Hein. Oui, bien sûr. Alix Barbet et Jean-Pierre Adam, si on prend les exemples que vous connaissez bien de Pompéi, ces modes successives de restauration, on les a connus à Pompéi. Vous avez parlé tout à l'heure, Alix Barbet, de la question du béton armé qui apparaissait très simple et qui permettait peut-être de préserver plus rapidement, c'est ce qu'on a cru, les biens culturels qui étaient menacés. Ces modes successifs, il faut à la fois les épouser de temps en temps parce qu'on ne peut pas refuser des nouvelles façons de faire et puis quelquefois s'en préserver, si je puis dire, sans faire de jeu de mots, parce qu'il y a plus de danger à les épouser justement qu'à ne rien faire. De toute façon, on a une mentalité totalement différente, par exemple, des Asiatiques. Les temples au Japon, quand ils sont abîmés, on les refait à neuf, avec du bois en gardant quelquefois juste une poutre. Bon, donc on a une notion totalement différente. On veut montrer aux gens ce qui reste réellement, mais le rendre lisible. Et donc, on utilise les technologies de plus en plus modernes pour trouver des produits et des façons de faire qui permettent de préserver l'authentique en mettant une différence entre l'authentique et le restitué. Donc, quelquefois, on utilise des produits modernes, mais qui sont... pas adapté, et donc c'est au cours du temps, par l'expérience, qu'on s'aperçoit ce qu'il faudrait faire et ce qui n'a pas été correctement fait. Alors il y a des projets quand même intéressants à Stabi, par les Américains, qui s'appellent Recovering Ancient Stabiae. Le problème, c'est que plutôt que de chercher à préserver, on a surtout, malheureusement, continue à faire des fouilles. Il y a simplement une chose intéressante, c'est que toutes les peintures qui avaient été déposées au XVIIIe siècle, on a remis des photos aux emplacements prévus, ce qui permet aux touristes de mieux se rendre compte de ce qu'était la splendeur de ces villes-là. Alors Jean-Pierre Adam, vous qui êtes spécialiste aussi de Pompéi et en particulier de ces maisons romaines, une des grandes questions qu'on se pose face à un site comme celui-ci, qui est gigantesque, c'est de savoir si ça vaut le coup de continuer à fouiller et donc de continuer à déterrer de nouvelles maisons, avec la possibilité de trouver de nouveaux trésors architecturaux et picturaux, quand on a autant de mal à s'occuper de ce qui a été déjà déterré par les générations précédentes. On est face à un dilemme, en l'occurrence, face à un site comme Pompéi, par exemple. La réponse, elle est immédiate et unique, c'est non. Il est exclu. Le souhait, c'est d'exclure totalement toute nouvelle fouille à Pompéi. Imprudemment, mais la tentation est évidemment très grande. C'est vrai que nos confrères italiens ont fouillé une maison dont la façade avait été dégagée par Spinazzola entre 1911 et 1920. Il y a la maison de Polybius. Nous avons participé nous-mêmes au dégagement de l'intérieur de la maison de Polybius. On croyait que c'était la dernière maison que l'on allait découvrir. Et puis on est passé dans l'îlot voisin à cette maison formidable, évidemment, dite des chastes amants, des Castiamanti. Et puis l'archéologue est arrivé au bout de la maison, il a trouvé une rue, il a traversé la rue, il est allé dans la maison en face. Bon, c'est une imprudence, c'est une soif. Et pourquoi c'est une imprudence alors? Parce que c'est grisant de travailler. Mais oui, mais en même temps, c'est formidable. Donc on se dit, pourquoi ne pas continuer? Les méthodes modernes vont permettre de mieux fouiller qu'on ne le faisait au 18e ou 19e siècle. Mais il y a des centaines de milliers d'objets qui dorment dans les réserves de Pompéi, d'Herculanum, de Stabi et de Naples, qui ne sont pas étudiés, qui ne sont pas publiés, que personne ne verra jamais. Il y a des milliers de maisons. Vous voulez dire qu'il y a presque une archéologie à faire de l'archéologie précédente et des résultats de l'archéologie précédente. Il y a 1453 maisons de Pompéi qui ont été dégagées. Oui. Donc on en a suffisamment. Il y en a beaucoup qui sont en ruine. Mais il faut dire quand même que les nouveaux surintendants de Pompéi ont décidé de ne plus fouiller. Et ça vous fait plaisir en tant qu'archéologue ou donc conservateur? Il y a tellement à faire à Pompéi que vraiment, on n'a pas besoin. Ça ne nous apparaît absolument pas indispensable de refouiller. Nous avons tous travaillé à Pompéi sur des maisons connues souvent depuis le XVIIIe siècle, avec le plus grand profit pour l'archéologie et pour l'histoire, bien entendu. Alors Pompéi pose ce problème qui vient d'être soulevé, qui est au cœur évidemment de ce qu'il a de plus sensible, à savoir comment présenter quel doit être le respect, les limites du respect du patrimoine. À Pompéi, la question de la charte de Venise, qui consiste à respecter les traces de l'histoire, c'est formel. 1964, ça. Les maisons de Pompéi les plus anciennes remontent au IVe siècle, donc on a 4 ou 5 siècles d'histoire dans l'architecture pompéienne. Tout est préservé sans exception. Il n'est pas question de dire on va retrouver la maison du chirurgien dans son aspect initial. On pourrait, puisqu'on le permet grâce à l'étude de la morphologie de l'édifice. Mais non, on hérite d'une maison dans l'état de 79, on la préserve dans l'état de 79 et on raconte son histoire. Donc la question du respect de la charte de Venise ne se pose pas, elle doit être totalement respectée à Pompéi. Ce n'est pas le cas partout. Prenez l'exemple de l'hôtel de Sully. L'un des plus beaux hôtels parisiens, construit au milieu du XVIIe siècle. Et là, jusqu'en 1956, cet hôtel était rongé, envahi par des constructions parasites, qui remontaient au XVIIIe siècle d'ailleurs, dont certaines très belles. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans le respect de la charte de Venise, on laisse l'hôtel de Sully avec toutes les traces de l'histoire, y compris les petites échoppes d'artisans qui avaient envahi cet hôtel. Ou bien on retrouve des dessins contemporains de la construction, des plans d'architectes. Vraiment, pourquoi laisser une fabrique d'abat-jour à un marchand de chaussures dans l'hôtel de Sully alors qu'on pouvait lui redonner son aspect initial. Là, on a trahi la charte de Venise pour la plus grande satisfaction de l'histoire et de la transmission du patrimoine. Alix Barbet et puis David Cueco. Alix Barbet. Dans la charte de Venise, il est bien précisé que dans certains cas, on peut revenir à un état initial quand on le connaît bien et qu'il est bien... En dernier. Ça paraît en dernier, c'est évident. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que à Pompéi, les touristes, il y en a 3 millions. Qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'ils voient. Donc, le problème, c'est effectivement de présenter quelque chose de lisible. Et de pédagogique. Et de pédagogique. Par exemple, quand une peinture est très abîmée, on peut utiliser un système de ce qu'on appelle le traité, toujours des petits traits de couleur, pour compléter un visage, pour compléter une silhouette. Et de loin, les gens ne voient pas la différence, et de près, on voit la différence. Donc là, il y a, je vous dis, une déontologie qui s'est mise en marche, mais qui est utilisée plus ou moins bien. Et puis, il y a des modes. Oui. Notre ami Cueco vous dira sûrement qu'il y a des modes en restauration qui sont à prendre avec précaution. Oui, alors justement, David Cueco, sur tous ces points, on parle de trahison. Est-ce qu'il faut trahir ou ne pas trahir la charte de Venise ? On a l'impression véritablement que quand on est restaurateur, on se trouve face à ce qu'on pourrait appeler, en termes de justice, des cas de conscience. C'est-à-dire, que doit-on faire face à tel ou tel objet ? Que doit-on faire face à telle ou telle restauration possible ? Effectivement, on a toujours un débat, une discussion à avoir sur la manière dont on voit l'objet, dont on le voit dégradé et dont on souhaite qu'il soit montré. Et on peut, pour un même objet, proposer probablement trois, c'est même un cas, je dirais, un cas d'école typique, proposer trois niveaux d'intervention différents qui donnent à voir l'objet d'une manière différente. C'est vrai pour les objets anciens, très dégradés, ruinés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi vrai pour des objets récents, modernes, et dont même certains ont vocation à se détruire. Oui, vous travaillez en particulier sur de l'art contemporain ou de l'art moderne, qui pose une vraie question, c'est-à-dire qu'on utilise dans la restauration de l'art contemporain ou de l'art moderne, dans la fabrication des œuvres même, des objets qui sont dégradables volontairement. Le suif de Joseph Beuys pose sûrement pas mal de problèmes au conservatoire de Pompidou et d'autres endroits où Joseph Beuys est exposé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces matériaux, par exemple, qui sont naturellement ruinés, volontairement ruinés par l'artiste lui-même, et que doit-on faire à partir d'un certain moment ? Doit-on les restaurer à l'état d'origine, en l'occurrence, David Cueco ? Alors, l'état d'origine est déjà une question en soi, c'est-à-dire qu'il faut repartir de la définition de l'objet. Une œuvre de Villeglé ou des affichistes, pour les nommer directement ou indirectement, est faite à partir de matériaux déjà employés, déjà dégradés, puisque c'est la déchirure des panneaux d'affichage qui fait sens et qui produit du sens, d'une forme de hasard. Évidemment, il ne s'agit pas de reconstituer les parties manquantes. Ça n'a pas de sens. Donc c'est bien la définition de l'objet, sa compréhension d'objet, état initial, entre guillemets, qui fait déjà discussion. Mais ce que l'on accepte ou que l'on tolère pour des biens modernes, récents, éventuellement sur lesquels on peut solliciter l'artiste, est beaucoup moins évident et beaucoup moins discutable, entre guillemets, pour des œuvres anciennes, pour lesquelles l'état des matériaux, leur évolution dans le temps, je dirais que l'état des lieux, le diagnostic initial, pour déterminer quelles sont les causes de l'état aujourd'hui, de ce que l'on voit, et qui est que, de toute façon, l'état supposé d'une restauration après intervention est toujours une construction mentale, qui fait que l'objet que l'on voit et dont on considère au départ qu'il ne correspond pas à l'image que l'on s'en fait, doit devenir cette image que l'on s'en fait. Vous voulez dire que cette image que l'on s'en fait soit l'objet d'un consensus pour arriver, par des moyens qui, alors là, répondent à une déontologie, réversibilité, stabilité des matériaux employés, intervention minimum, respect ou non des dommages produits, il faut bien respecter tous ces éléments pour essayer d'aller vers un état présentable, restituable, Et qui produit du discours, vous, éventuellement. Vous voulez dire que le restaurateur, dans ces cas-là, est presque une sorte de co-créateur de l'œuvre restaurée ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, il faudrait presque savoir qui ont été les restaurateurs de la même œuvre depuis, je ne sais pas, une Pietà du 15e siècle de la Renaissance italienne. Ça permettrait de mieux comprendre au fur et à mesure les états et de savoir quels ont été les. De rentrer dans la tête des restaurateurs pour mieux comprendre pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer dans la tête des restaurateurs. Il y a toujours des choses confuses et sûrement obscures. Pas plus qu'entrer dans la tête des archéologues ou des, voilà, des architectes. À Pompéi, on voit très bien la restauration successive au cours du temps et les choix, notamment des architectes, pour redonner une stabilité et une lisibilité au monument. Hein. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que Pompéi, ainsi que Oplontis et Herculanum, n'ont été classés par l'UNESCO qu'en 1997. Et oui, c'est très tard. Moi, j'ai découvert ça aussi en vous lisant. Je ne savais pas que c'était aussi tard. Et voilà. Et il y a un vrai problème pour éviter l'envahissement de la vie, la vie quotidienne sur les ruines de Pompéi. Ce que mon ami Jean-Pierre Adam a appelé l'érosion touristique aussi, le fait des milliers de pas dans les rues de Pompéi. Alors les gens sont admiratifs parce qu'il y a des trottoirs, comme dans notre époque. Mmh. Seulement les trottoirs ont été tellement usés qu'on est obligé de les cimenter. Donc tout ça est un vrai problème. Par ailleurs, il y a aussi ce problème grave de la Scholar Maturarum qui a été écroulée en 2010 à cause d'un problème de drainage des eaux qui n'a pas été fait correctement. Alors on voit par exemple que, pour parler de mode, de Jean-Pierre Adam, à Pompéi, certains, j'ai lu un article récent de Margherita Tucinardi, par exemple, qui dit il faut défendre ce qu'on appelle la restauration au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire, la restauration au quotidien, Jean-Pierre Adam, pour le cas de Pompéi, plutôt que quoi, alors une restauration qui serait temporaire, une fois de temps en temps, c'est quoi exactement ça ? Bien, elle reprend là très exactement les termes de notre rapport. Nous avons insisté sur le fait que Pompéi, autrefois, était entretenu au quotidien par des équipes de maçons, de charpentiers, de restaurateurs de fresques et de mosaïques, qui étaient très nombreux. À l'époque de Maiouri, il y avait en effet presque 200 personnes, c'était puis quand, s'est passé une centaine de personnes dans les années 70. Oui. Aujourd'hui, il en reste 10. Oui. Or, ces artisans et ces restaurateurs suffisaient, en tournant régulièrement dans la ville, pour entretenir une ville dont les maisons sont des maisons individuelles qui, au maximum, ont 2 niveaux. Donc un maçon, un charpentier peuvent parfaitement, avec une petite équipe, connaissant bien cette architecture, restaurer à l'identique ces maisons. Dès l'instant où l'on supprime, pour des tas de raisons politiques et économiques sur lesquelles je passe un survol pudique, on supprime ces postes de titulaires, on est obligé de laisser en attente ces maisons qui ont besoin d'un entretien permanent, puisque ces maisons ne sont pas occupées, donc elles vont se ruiner d'autant plus vite. Et on fait appel alors périodiquement à des grosses entreprises de maçonnerie et de construction qui ne sont pas nécessairement spécialistes de la restauration, qui vont recevoir des gros contrats pour des chantiers lourds qui vont durer 5 à 6 ans pour bétonner les maisons. Mmh. Donc il n'est plus question de ces restaurations à l'identique, faites avec prudence et avec art et un grand souci du respect de la structure originale. Voilà, par ces artisans et ces restaurateurs, on est dans de la restauration lourde, inadaptée évidemment, qui va être lourde de conséquences. On aura une fausse Pompéi. Alix Barbet et puis David Cueco qui a son mot à dire. Alix Barbet d'abord et puis Alix. Oui, alors écoutez, je connais très bien Margherita Tucinardi, qui est une archéologue italienne de grand niveau et qui effectivement sort actuellement un article avec un collègue journaliste italien sur le scandale de la construction d'un supermarché en banlieue de Pompéi, puisque malheureusement, dans les travaux de l'UNESCO, on a étalé, élargi la zone de tampon entre les ruines et la vie moderne. Ça s'est fait pour Herculanum, ça s'est fait pas pour Pompéi. Et là, on a fait disparaître tout un quartier qui, de Pompéi, qui s'appelle le Pagus Suburbanus Felix, puisqu'on a retrouvé un tombeau avec cette inscription. Donc on a le nom de l'endroit, du vicus. Et puis, tout a disparu. Il y avait un four, il y avait une rue, et tout est maintenant bétonné. Donc là, il y a un vrai problème aussi de ces ruines et de leur environnement. Sur ce point de la restauration au quotidien contre une restauration, disons, plus épisodique, qu'est-ce que vous pouvez en dire, David Cueco ? Alors moi, bon, je désolé, je veux pas faire polémique, mais le restauration, pour ce que vous décrivez, petites interventions du quotidien, pour moi, c'est pas de la restauration. Non, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Oui, mais enfin, appelons-les par les termes dont on a parlé au début. Mmh. Il s'agit de conservation. Mmh. Il s'agit de maintenir. On parle de maintenance, si on veut, pour un terme anglo-saxon. Mmh. Mais la maintenance, c'est bien l'effet de maintenir les objets dans un état de référence qui est connu, identifié, analysé et compris. C'est-à-dire qu'on maintient l'objet, on l'empêche de se dégrader. On est bien dans une logique de curative. On arrête un phénomène de dégradation évolutive et une intervention préventive qui est que l'on évite que de nouveaux dommages surviennent par des stratégies qui touchent plus à l'environnement qu'à l'objet. Ce qui veut dire que la visite des touristes, etc., est aussi anticipée. Désherbage. Après, la question du savoir-faire, puisque là, la logique qui est donnée, c'est celle des entreprises, des artisans qui sont pressés, etc. Là, il y a un discours qu'il faut être, sur lequel il faut être un peu plus clair. Le type d'interventions qui sont faites sont des choses qui peuvent être parfois assez intrusives, assez précises, et pour lesquelles une approche critique est parfois nécessaire. Donc l'entretien ne devrait pas poser de questions sur le niveau d'intervention. On devrait être dans une logique de respect de l'objet. Mmh. Et effectivement, les entreprises artisanales, loin de moi de refuter ou de refuser cette catégorie, mais n'a pas forcément cette approche critique face à l'objet. Donc il faut être sûr qu'on sait bien avoir cette approche critique. Deux ou trois petits points. Oui, il s'agit bien d'entretien. Et ça peut être considéré comme relevant de la prévention, mais aussi du soin et de l'attention portée à des biens que l'on maintient. Sur les éléments qui n'ont pas été dits tout à l'heure, mais l'archéologue, au départ, est destructeur. Alors ça a été dit par allusion, mais d'un côté, il a été dit qu'il y avait beaucoup d'objets produits. Effectivement, l'archéologue n'a pas forcément le souci des objets. Ce n'est pas sa priorité, et je dirais que c'est une conception un peu moderne. Ça, c'est pas vrai. En dehors des trésors fabuleux qui sont sortis et qui ont toujours fait l'objet d'attention, mais l'archéologue se soucie le plus souvent des informations, de la collecte des données, et à la limite, il va détruire la ruine pour descendre dans les couches inférieures. Donc déjà la notion de ruine, l'archéologue en produit, mais d'une certaine manière, il contribue parfois aussi à les détruire. Mmh. Alex Barbet n'a pas l'air d'accord avec vous. Oui. Allez-y, non, Alex Barbet. Alors écoutez, il faut le savoir. Ouais. Dans le maintien, quand on parle de maintenance, je parle par exemple de tuiles qui sont tombées, qui n'ont pas été remplacées dans justement la maison de Polybius dont on parlait tout à l'heure, et qui la pluie a fait un trou dans la mosaïque au sol, alors que s'il y avait eu des maçons qu'il y avait autrefois, il aurait tout de suite remplacé par les tuiles. Deuxièmement, quand vous dites que les archéologues produisent des ruines, on est bien d'accord, et si Pompéi existe, c'est que à cause de nous, bien entendu. Mais dire qu'on n'est pas sensible aux objets, alors là, je pense que nous parlons peut-être d'archéologues du siècle dernier, du millénaire dernier, mais pas des archéologues de notre époque. La notion de centre d'études des objets et de dépôts archéologiques est quelque chose qui est en train d'évoluer et qui effectivement se soucie de conserver les biens produits. Mais combien de dépôts archéologiques, c'est une pensée moderne. Faut le dire, et il y a des archéologues qui étudient les objets qu'avant on rejetait parce qu'ils n'étaient pas compris. Pas considérés. Notamment les peintures murales. Plein d'autres objets en l'occurrence. Je maintiens la défense de l'entretien au quotidien, surtout à Pompéi, puisqu'on parle bien de Pompéi. Car à l'époque, les archéologues du site, responsables du site, suivaient ces travaux, puisqu'ils connaissaient parfaitement les restaurateurs avec lesquels ils travaillaient, donc ils étaient présents. Par conséquent, il y avait un respect scientifique très rigoureux de toutes les restaurations, de fresques, de mosaïques, de maçonnerie et de charpentes. Ce n'est plus le cas. Nous avons visité, au cours de nos deux missions d'inspection, des chantiers faits par des entreprises extérieures, où il n'y a que des ouvriers extérieurs au site, un architecte extérieur au site, qui ne connaissent éventuellement pas un ingénieur qui se charge de l'évacuation des eaux, etc., et des bétons, qui ne connaissent pas le site. Il n'y avait pas sur le site de présence d'un archéologue responsable. Donc, ils travaillent seuls et ils vont faire une restauration qui va être une espèce de vision de parc archéologique, de fausse vision romaine, comme à Xanten en Allemagne. Ce ne sera plus la Pompéi que l'on a connue pendant des dizaines d'années. Alors, ces réflexions que vous menez les uns et les autres sur, en particulier, ces ruines romaines, qu'ont-elles à voir avec les réflexions que se posent, les questions que se posent les archéologues ou les historiens du XXe siècle, Jean-Pierre Adam? On sait la difficulté de maintenir les ruines du XXe siècle, et en particulier les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Oradour-sur-Glane en fait partie, mais également les camps d'extermination sur le territoire de l'ancienne Pologne ou des choses comme cela. Ces objets ou ces lieux sont des lieux qui sont menacés. Est-ce que la réflexion des uns, c'est-à-dire vous, les historiens et archéologues de l'Antiquité, peut avoir une vertu pour la réflexion des autres, ceux qui travaillent sur des biens plus récents, en l'occurrence Jean-Pierre Adam? Il y a d'abord l'information du public qui est très importante, fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le maintien, prenons ces reliques de la dernière guerre mondiale, reliques infiniment tragiques. Je songe par exemple, nous avons une petite maison de campagne en Bretagne, à côté il y a un sémaphore qui était occupé par une garnison allemande. Les résistants s'emparent du sémaphore, les Allemands reviennent, massacrent tous les résistants et détruisent ce sémaphore. Donc on a maintenu les lieux en l'état. Mais il faut expliquer. Bon, c'est une ruine pantelante, pitoyable, qui ne veut rien dire du tout. Mais si à côté, en accompagnement, on donne un grand panneau d'explication, une borne d'explication, brusquement, on est dans l'histoire. On est devant un témoin de l'histoire. Donc là, il faut le laisser en l'état. Il faut le maintenir en l'état d'une manière absolue. Il n'est pas question de reconstituer ce sémaphore. Il est la conséquence d'un événement dramatique. Donc là, effectivement, la charte de Venise s'applique en plein. Il faut le transmettre tel qu'il a été reçu, puisqu'il témoigne lui-même. C'est un organisme vivant qui témoigne d'une blessure. Alex Barbet, sur ces questions. Tout à fait. Et sur la validité transfert d'un savoir-faire, celui des spécialistes de l'Antiquité, sur des savoir-faire plus récents. Il est certain qu'il y a un vrai problème pour les ruines récentes, pour arriver à les maintenir en l'état, mais il est certain qu'il faut maintenir l'authenticité sans vouloir reconstruire, parce que c'est une connaissance importante des racines de notre culture, de notre histoire, et pour les gens c'est très important, cette leçon d'histoire concrète. Ce sont des débats que vous aviez, que vous avez encore avec les autres spécialistes internationaux. Je me souviens d'avoir eu un débat un peu agité autour de la restauration par Saddam Hussein à l'époque des ruines de Babylone. Ah oui, c'était extraordinaire. Qu'il avait fait aussi un peu à la lance à béton et à la brique mécanique, totalement artificielle, et des gens qui disaient oui mais tout compte fait, il remonte les murs, ça n'est pas si mal, etc. On voyait bien qu'il y avait une tension entre les uns et les autres, entre la promesse qu'il avait faite de tout refaire avec des briques séchées au soleil et du pétrole affleurant pour pouvoir coller ces briques entre elles, et puis la réalité de ce qu'il avait construit, c'est-à-dire reconstruire entièrement une Babylone moderne pour la plus grande gloire de son régime à l'époque. Absolument, mais c'est la même mentalité qu'on a en Asie, c'est-à-dire on refait à neuf quelque chose qui a disparu. Mmh. Alors donc, est-ce que le public peut mieux se rendre compte, peut mieux évaluer ce patrimoine, je n'en suis pas certaine. David Cueco, sur toutes ces questions, en particulier du rapport à une architecture ou à des ruines plus modernes. Alors, d'abord par rapport au Japon, il est clair que quand on refait un temple, on est dans une logique d'authenticité, mais également on préserve le savoir-faire qui va avec. Tout à fait. Autrement dit, l'authenticité est garantie par l'autorité, l'authenticité du savoir-faire des artisans, des maîtres vivants qui réalisent ce travail-là. Donc il n'y a pas la confusion qu'on peut avoir, nous, de notre côté, à préserver les matériaux comme un élément d'authenticité, et quand on les restaure et qu'on les modifie, qu'on les transforme, effectivement, on touche à cette authenticité. Revoir Ruskin, on préserve les ruines parce qu'elles sont la garantie d'authenticité. Mmh. Alors que quand on les restaure, on dénature les ruines, donc on dénature l'authentique. La préservation du savoir-faire est un autre niveau d'intervention qu'il faut bien intégrer. Sur la remise en état des ruines, on peut aussi citer alors des exemples simples. Qu'a-t-on fait des ruines du World Trade Center? Mm-hmm. Justement, on les a rasées. Par contre, on voudrait remonter les Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits au canon. Donc il est bien clair, on a parlé des ruines d'Auschwitz ou de Radour-sur-Glane. Ou d'Oradour, ouais, le parallèle. On peut aussi voir ce qui a été fait à Masada. Donc il y a aussi un travail. Donc à chaque fois, on produit un discours à partir de ces ruines qui n'est pas anodin et qui est même probablement le déterminant qui fait que la décision se prend d'intervenir ou pas. Et ça n'a rien à voir avec une approche scientifique. On est bien sur la production d'un discours. Alors on parle d'éducation. Vous voulez dire qu'on touche aux politiques, vous voulez dire, c'est ce que... Très clairement, on touche aux politiques. Les financements ne sont pas possibles. La reconstitution de Bamiyan, elle fait vraiment question. Est-ce que vraiment ça a un sens de remonter ces lieux? Alors après, c'est la question de la relique. Ce qui reste, le fragment pour la partie, la partie pour la totalité, est-elle significative ou ne l'est-elle pas? Et effectivement, l'emblème, le symbole... le sacré. Mais le sacré, c'est une des définitions du sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas. Ouais. Donc ça veut bien dire que quand on touche à ces objets pour les donner à voir, je parle bien de restauration comme une chose que l'on donne à voir, effectivement, on est dans l'interprétation, la production d'un discours, la fonction du bien, et la fonction peut être effectivement de drainer des milliers, millions de touristes. Elle peut être aussi, l'exemple, je reviens d'un colloque qui était organisé par l'École nationale supérieure et l'Institut d'archéologie au Maroc, et où on a eu la présentation d'architecture en terre dans le Moyen Atlas, et où des greniers en terre crus, séchés, ou des bâtiments au Yémen qui sont en train de s'effondrer parce qu'ils n'ont plus de fonction, ils n'ont plus d'usage. Alors qu'historiquement, ce sont les marqueurs de la société, le grenier est le lieu dans lequel le capital du village, les graines, les denrées alimentaires sont préservées. C'est vraiment la base du système d'échange. Ces greniers sont en train de s'effondrer parce qu'économiquement, ils n'ont plus de raison d'être. Et le fait de les préserver, de les maintenir en place, de les reconstituer éventuellement avec le savoir-faire ou de les entretenir pour empêcher qu'ils s'effondrent, pose un vrai problème parce que ça a un coût et il n'y en a pas l'usage. Donc il faut réhabiliter ces objets, pardon pour le terme objet pour des architectures, réhabiliter ces biens, leur donner un sens, les réinvestir de quelque chose. Qui fait que... Une nouvelle sacralité, mais qui n'est plus la même que la précédente, d'une certaine façon. Jean-Pierre Adam veut intervenir. Collectif au bien d'intérêt public et à la notion de patrimoine qui est quelque chose qui est préservé au nom de tous. Jean-Pierre Adam. Oui, restons exactement dans ce propos. Il y a un exemple infiniment spectaculaire qui illustre et résume tout. C'est la reconstruction ex nihilo de la Frauenkirche de Dresde. L'église de Dresde est bombardée en 1944. Il ne restait que deux tout petits pans de mur et un énorme tas de pierres. Et Dresde a dit, mais cette église, qui était une reproduction volontaire, voulue, pas exactement à l'identique, de la Salute et de Venise, c'était le signal idéologique et culturel de la ville de Dresde, le plus beau monument. Or, les habitants de Dresde ont toujours réclamé la reconstruction. L'Allemagne de l'Est ne voulait pas en entendre parler. Et finalement, en 2002, on a reconstruit complètement la Frauenkirche de Dresde parce qu'on avait tous les documents, photographies, plans sans aucun problème, et une partie des matériaux, bien entendu. Néanmoins, c'est une reconstitution, non pas la Viollet-le-Duc, parce qu'il n'y a aucune part d'imagination. On a reconstruit ex nihilo une église à l'identique, exactement dans le pieux devoir des architectes japonais qui reconstruisent leur temple de bois. Donc voilà un très bon exemple que l'on ne peut pas critiquer. Tout le monde est content, je veux dire, culturellement, idéologiquement, il y a là une satisfaction. Mais c'est le témoignage tout de même d'une idéologie d'un moment. Absolument. De se dire, voilà, on oublie la guerre et on gomme les circonstances dramatiques d'une guerre et on revit, comme l'ont fait les habitants de Varsovie, on va gommer le drame de la guerre, on va reconstruire le centre de Varsovie. Et ça peut aller, toujours dans ce même espace de l'Allemagne, ça peut aller jusqu'à la volonté de reconstruire le château des Hohenzollern sur l'ancien palais de la RDA, qui était le palais du peuple et qui était considéré comme étant le plus beau bâtiment. Après, on peut discuter du point de vue architectural. Il faut effacer une partie de l'histoire et réhabiliter une partie antérieure. Alix Barbet. Oui, je pense qu'effectivement... Notre rôle à nous, scientifiques, c'est d'établir des cahiers des charges, mais quelquefois qui vont à l'encontre d'une volonté politique, économique, qui n'est pas la même que la nôtre. Alors je voudrais donner quand même un exemple. On n'a pas parlé du tout d'Herculanum. Herculanum, il y a un projet qui s'appelle Herculaneum Conservation Project, qui est mené par des Américains, des Anglais, et par la surintendance, aidée par des fonds privés. Et là, on a un bon exemple d'une bonne symbiose entre la science et la nécessité. Oui, mais on peut dire que c'est plus simple sur Herculanum qui ne fait que 4 hectares que sur Pompéi qui en fait 44, c'est exactement. Ça exactement. Et surtout qui a été redécouverte qu'en 1920 par là. Donc les ruines n'ont pas souffert comme à Pompéi. Un petit mot, puisque Alix Barbet disait à l'instant qu'on peut avoir des volontés politiques, économiques différentes. On a dit au tout début de cette émission, David Kweko, que vous aviez travaillé à Messaïnak, donc en Afghanistan, ce lieu incroyable dans la province du Logar, je crois que c'est à une quarantaine de kilomètres au sud de Kaboul, où on a retrouvé des Bouddhas, des monastères du 4e, 6e siècle de notre ère, 7e siècle, sur un lieu qui va être remis en exploitation puisque c'est une mine de cuivre. Ça fait quoi quand on restaure et qu'on se dit on dépose parce que dans quelques mois, quelques années, eh bien là, il y aura à nouveau une industrie qui sera mise en place et une partie de ce qu'on a découvert risque d'être totalement détruit, David Kweko? Oui, ça renvoie à la fonction du patrimoine. D'abord, il faut peut-être dire pour la postérité, d'abord, je travaille comme adjoint de ma chère et tendre Françoise Joseph, partenaire, ouais. Professionnelle Françoise Joseph, qui est conservateur-restaurateur de peinture murale, sous la direction et à la demande de Philippe Marquis. Qui est le patron de la DAFA, la délégation française, voilà, archéologique en Afghanistan. Absolument, donc c'est à sa demande que nous sommes venus épauler les équipes afghanes pour sauver le site qui était dans une menace de destruction imminente déjà dès 2010, où la fouille commençait, alors qu'effectivement le site est une mine qui est promise à l'exploitation par une société chinoise qui a acheté les droits de manière conséquente. Et depuis 4 ans, la prolongation du chantier est faite par tranche de 6 mois, ce qui fait qu'évidemment l'archéologie qui est faite depuis 4 ans, prolongée par tranche de 6 mois, n'est pas la même que s'ils avaient eu un programme en 4 ans depuis le début. Donc ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Après, effectivement, la découverte d'une ville qui est gigantesque, un site de 40 hectares, on est sur une échelle comparable à celle de Pompéi, avec une architecture de terre, donc extrêmement vulnérable. À partir du moment où elle est excavée, elle est sortie, mise à jour, elle est en danger, même si effectivement les saisons sont très marquées, mais l'hiver où la neige et la pluie, mais surtout la neige, s'accumule et finit par drainer et couler à la fonte, il y a de gros dégâts. Donc il faut sauver les objets et les retirer du site à la fois pour préserver leur état au moment de la fouille, enfin quand on les sort, les traiter, mais aussi pour empêcher leur pillage, puisqu'on est au milieu des montagnes. Et donc l'idée d'un musée de site, qui est une idée tout à fait utopique, fait problème, puisque le site va être... Donc là, il y a le problème du choix entre l'économique et le culturel. Merci à vous, David Kweko. Vous étiez en direct au téléphone avec nous depuis donc Rome. Vous êtes à un congrès. Et je remercie également donc Alix Barbet. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle donc Peinture murale romaine de Tunisie. Et c'est chez Picard. Vous avez travaillé beaucoup autour des peintures murales, mais plus exactement en Italie. Et pour votre part, Jean-Pierre Adam, que je remercie également d'être venu, eh bien, votre dernier livre s'appelle La maison romaine. C'est dans une maison d'édition arlésienne qui s'appelle Honoré Claire, donc on peut le trouver, et ce sont justement, c'est une analyse des maisons romaines de Pompéi, donc vous êtes le spécialiste. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vianna Bolivier et Aurélie Marcet. Jean-Frédéric, c'était à la technique, et Renaud Dalma à la réalisation. Demain, nous parlerons d'autres ruines, d'autres tourismes de ruines, c'était sous la Commune et après la Commune à Paris. Merci à tous les trois.